Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 boulevard Walbrook, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital. On va parler de football avec on devait faire la chronique hier, mais finalement on n'a pas été capable. Donc on va faire la chronique des Cougars de Chicoutimi et également des joueurs de football qui sont natifs du Haut-du-Lac-Saint-Jean, qui évoluent soit avec les Cougars, avec les Jeannois d'Alma ou encore avec les Gaillards de Jonquin. Là, on va parler avec un joueur des Cougars de Chicoutimi, Samuel Bussière, qui vient de Dolbeau-Mistassini. Salut Samuel! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Samuel, si on parlait un peu de toi, ta position, c'est quoi en fait? Moi, je suis joueur de ligne défensif, bilingue dans le fond. OK. Puis, c'est-tu ta première année? C'est-tu ta première position? As-tu toujours joué à ce niveau-là? Oh, moi, j'ai joué, avant, on appelle ça both ways. Dans le fond, je jouais joueur de ligne offensif, joueur de ligne défensif. Vu que, tu sais, Dolbeau, je joue à Saint-Félicien. Il n'y a pas beaucoup de personnel, comme dans les grandes villes. OK. Donc, on jouait both ways, les deux côtés. Mais là, cette année, j'ai perfectionné la position de joueur défensif là, bilingue. OK. Comment tu trouves comment t'as trouvé ton adaptation au niveau collégial? Je trouve que ça a très bien été. Je m'attendais pas à moins, mais je m'attendais pas à plus. J'avais déjà vu une game collégiale. Je me fiais à ce que je voyais. OK. J'étais un peu sénère au début, mais je trouve que ça a bien été puis on l'ose pas. OK. Comment Nick Menachi t'utilise? Comment il m'utilise? Je pense que ça soit un joueur qui me contacte. Dans le fond, comment préciser ça, c'est que j'aime ça jouer off. Je suis pas une grosse star pour les joueurs de ma position. Okay. Je suis encore, dans le fond, je suis dans le fond, je suis dans les gaps, là. Je suis comme... C'est ça, bon, hein, ce que je suis. OK, mais c'est pas ça. Ce que je voulais te dire, Samuel, si je voulais te demander, c'est que est-ce que Nick Menachi t'utilise de façon régulière pour la première année? C'est ça que je voulais te demander. Ah oh, oui, dans le fond, au niveau du temps de terrain. Ouais, c'est ça, oui. Oui, je trouve que je joue beaucoup. Je partais à beaucoup de games, puis. OK. Bon, depuis le début, je trouve que j'ai beaucoup de terrain. Je m'attendais vraiment à moins. Tout le monde disait. Sur comment des stéréotypes, tu sais, collégial, recrue, tu réchauffes bien, mais pas en tout, je trouve qu'il me donne beaucoup de temps de jeu, il me laisse exploiter mon talent, je trouve, puis je le remercie beaucoup pour ça, je m'attendais vraiment à moins que ça. Est-ce que on t'utilise sur les unités spéciales au départ? Tu fais ton entrée au niveau collégial, souvent c'est la porte d'entrée, hein, est-ce que oui, souvent c'est la porte d'entrée, oui, mais oui, j'ai commencé sur les kick-offs, les field goals. OK. Là, souvent, là, je suis plus sur les kick-offs parce que, tu sais, souvent, après les kick-offs, c'est la défense qui embarque, tu sais, du coup, tu sprintes dans un kick-off, fait que ouais. T'es un petit peu brûlé après, là. Fait que je suis plus là-dessus, mais sinon, je suis sur les field goals, puis sinon, ben, je remplace sur les punts ou même sur les kick-offs, là. OK. Donc, c'est ta première année. Comment tu trouves ça, de venir du cégep, et commencer le cégep, la première année, puis ta carrière de football, tout jaugé ça. Comment t'as trouvé ça? OK, je comprends. Ouais, sérieux, je trouve ça, tu sais, si on ne cache pas, c'est assez difficile, surtout en technique. Moi, je suis en technologie forestière. OK. Puis c'est beaucoup d'heures de technique, c'est beaucoup de travaux, c'est vraiment de l'adaptation à faire parce que ça prend beaucoup de temps à l'école, faire ça avec le football, mais tu sais, on se donne à fond, puis. Comme ça, je lâche pas. Avant, j'ai fait la fin de semaine, puis quand j'ai des trous, je travaille, puis j'arrête pas. Puis pour le foot, ben, j'essaie d'être toujours présent là, d'être présent pratique au game, puis c'est sûr que c'est assez difficile, là. Ouais. Et je suis pas le seul qui fait ça, puis je crois que c'est très faisable. Ben oui, c'est sûr. Du côté des. Et t'es en technique forestière, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que le domaine de la forêt, c'est quelque chose qui t'attirait toujours? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Quoique ça dépend des emplois, là. Tu sais, c'est pas si noir que ça. C'est vraiment ça qui t'intéressait? Oui, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Dans le fond, j'ai fait le choix. J'ai pas choisi l'équipe. Moi, c'est vraiment le domaine qui m'intéressait. Écoute, Dani, tous mes amis, ils sont allés à Jonquière, mais rendu là, moi, c'était vraiment l'école en premier. Comme je parlais avec Nick, puis comme qui m'a conseillé, c'est de faire les bons choix, puis qu'elle m'appuyait dans tout ce que j'allais faire. Puis, tu sais, moi, je viens de le bois, là, la forêt, on est entouré de ça, puis depuis ça, je vais dans le bois, puis c'est sûr que, moi, c'était évident que j'allais en technique universitaire, là, tu sais, je voulais tant jouer au foot, en même temps, maximiser mon temps en forêt, tu sais, puis en faire un travail, dans le fond. OK, un DEP, c'est pas quelque chose qui t'aurait tenté? Un DEP, c'est pas quelque chose qui t'aurait tenté? Plus vite, non? Parce que mes notes me permettaient d'aller au cégep. Puis, ah, OK. Je crois que... Je suis capable, un DEP, je néglige pas le DEP, c'est une option pour moi, mais en fait, ça me permettait de jouer au football, comme je vous l'ai dit. Ben oui. Est-ce que l'université, ça t'intéresse? Tu voudrais-tu jouer pour une équipe universitaire? Est-ce que c'est quelque chose où vraiment c'est un deck pendant, puis ça va être terminé par après? Ça, j'en ai aucune idée, sérieusement. Je vais voir comment que ça va y aller avec les années. Okay. Puis le football me permet, et puis même mes notes me permettent, c'est sûr que je vais essayer de continuer autant l'école que le football en même temps. Okay. J'essaie de maximiser ça les deux. Mais okay. C'est sûr que de quoi que c'est quelque chose que j'aurai pensé plus tard. Hey, t'as dit mes chums sont allés à Jonquière, donc tu faisais partie des quatre gars là, avec Jordan Fortin, avec Jonathan Potvin, et si tu étais un de ces quatre-là qu'on n'a pas pu jouer l'an passé, c'est ça? Non, c'est ça, c'est absolument ça. OK. Comment t'as trouvé ça cette année-là? Ça a dû, comme joueur de football, ça a dû nuire à ton cheminement? Oui, c'est sûr, parce que, tu sais, ton son de la fin, c'est comme l'année que t'as ton meilleur, tu sais. Ouais. T'es plus vieux que tout le monde, t'es plus gros que tout le monde, fait que c'est sûr que ça peut t'aider à te voir par les autres coachs collégiales, mais si ça le nuit, je sais pas. OK. On le sait pas si on peut se recruter ailleurs, mais non, mon idée, c'est de jouer peut-être depuis mon son. Ça, c'est la technique du restant, elle m'intéresse beaucoup, puis je passe aux heures 4, puis je suis là en ce moment. OK. Dis-moi, comment tu vois la fin de saison? Demain, il y a un gros match contre Alma. Alma qui sont un petit peu... écoute, là, je suis au courant de toute l'histoire. Alma qui a beaucoup de blessés, il y a des joueurs qui jouent offensif, défensif. C'est vraiment pas facile. Est-ce qu'il faut prendre... j'imagine que, du coup, ça c'est un match piège, ça? Oui, c'est sûr que c'est un match piège. C'est sûr que ça tend à ce que ce soit facile. Il faut pas faire ça. Allemand va arriver avec les couteaux dans les dents, puis ils vont être prêts à aller prendre leur place. C'est sûr et certain. Il faut pas prendre ça comme une game relax ou une game congé. OK. Ben Samuel, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de la saison. C'est fort agréable de faire que ta connaissance. On se reparlera un autre tantôt. Samuel Bussière de Dolbeau-Mississinique.